Oui, deux fois. Mais... Et voilà. Alors, j'ai joué le jeu. Hein. Je l'ai écouté au casque. C'était une transe absolument parfaite, en fait. C'était bien Metal Machine Music, Lou Reed, son étude de bruit à lui. Alors pas celle de Pierre Schaeffer, évidemment, qui va donner l'impulsion de la musique concrète en 1948. C'est pas non plus les études de bruit façon Intonar Mori des futuristes italiens, Russolo en tête. Ça commence dès 1913. En cela, Lou Reed, il est pile poil dans l'histoire. Il est au milieu, en tout cas, d'une histoire. Et il n'initie rien. Il l'avoue, d'ailleurs. Et même avec tendresse, finalement. Alors, trouver de la tendresse dans cet album, c'est quasiment culotté, mais si on cherche, on trouve. D'abord, cette référence totalement assumée et avouée à la Monte Young, je l'annonçais tout à l'heure, elle est claire ici. Et, en même temps, un disque puissamment rock'n'roll, parce qu'il rend hommage en fait aux outils rock'n'roll. Il rend hommage à la guitare, il rend hommage à l'ampli, il rend hommage à la pédale d'effet. Et tous ces noms-là sont spécifiés d'ailleurs en verso de pochette. Alors spécifiés avec ironie, parce que ça peut tenir un petit peu de la farce. Hein, les fameux Marshall Tube Piggyback, ça n'existe pas en fait. Par contre, ce sont effectivement la série Piggyback était une série d'amplis qui a dû émerger dans les années 60, au début 60, 63, 64, 65, où Fender, donc un peu le concurrent de Marshall si on veut, avait effectivement breveté ce nom-là sur une série d'amplis basses. Donc il y a aussi, chez Lou Reed, on va pas mentir, une volonté de brouiller les pistes. Mais considérons ce disque comme un pur moment et un pur instant de rock'n'roll. Parce que finalement, dans l'avant-garde sonore du XXe siècle, sinon c'est un disque en retard. Et puis dans la musique industrielle, c'est un disque qui est proto-indus. Alors du coup, il va forcément donner le biberon à tous les noiseux qui vont suivre. Hein. Merzbow en tête. En 1981, Merzbow commet ce disque fabuleux. Le titre dit tout, c'est une poésie totale. C'est Metal Acoustic Music. C'est pas joli, évidemment, le clin d'œil est plus qu'évident. Lester Banks, dont j'aime reprendre les aphorismes, avait dit « C'est le plus grand album jamais enregistré dans toute l'histoire du tympan humain. » Et à la fin de cause, c'est finalement sa chronique qui s'empresse de rajouter numéro 2, Kiss Alive. Donc l'album live de Kiss. Voilà. En tout cas, il y a tout l'âme de Lou Reed est dans ce disque. Et ça, moi, je vais bien le croire. Et c'est peut-être le disque à garder Lou Reed. En tout cas, c'est ce que lui prétendait et aimait faire savoir. Et ça, je vais bien le croire. Et finalement, il y a, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il y a quelque chose de patrimonial dans ce disque-là. Et en un sens, Lou Reed a raté le coup qu'il avait raté. Il a réussi le coup qu'il avait raté initialement en voulant l'éditer sur la division classique de Red Seal, de RCA. C'est d'en faire finalement un disque classique. Et plus qu'un disque classique, c'est un disque de répertoire. Alors, vous allez me croire ou non, mais on a vu relativement récemment le groupe allemand Zeitkratzer reprendre, et c'était pas plus tard qu'en 2016 à Mulhouse, alors je sais qu'on nous écoute à Mulhouse, Metal Machine Music, en guise de bonus track, et afin de se dire au revoir, c'est ce que je nous mets un petit peu en fond sonore pour l'instant. Ce moment correspond à la troisième face du disque, c'était enregistré au festival Météo de Mulhouse, pas plus tard qu'en 2016. Donc voilà notre sortie pour aujourd'hui avec Metal Machine Music, revue par un orchestre contemporain. Alors un orchestre qui compte un piano, une clarinette, un cor, un ensemble de percussions, trombone et puis un ensemble à cordes, donc de cello, donc contrebasse, violoncelle et violon alto. Voilà, sur ce, on n'a plus qu'à se retrouver la semaine prochaine avec un Cargocul qui va viser vers plus de convivialité. On va au moins essayer et on ira peut-être vers le folk cette fois-ci. Heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Très bonne journée à l'écoute de Pinode. Très bon 1er mai. À très bientôt. C'est bien Zeitkratzer, oui je le prononce super mal, hein. Vous avez remarqué ça. merci pour cette citation de Warhol que je ne connaissais pas. Comme un fantastique, une fantastique claque jouissive, prince des ténèbres et de l'angoisse, Warhol. À propos de Lou Reed, et puis on va dire pratiquement de ce disque-là. Warhol était malin. Et merci d'avoir remarqué le fameux Log Groove. Il est sublime, effectivement. Il faudrait faire en fait un Log Groove continu de 70 minutes. Tiens, je m'engage à le faire. Mais je ne vous l'offrirai pas dans un cargo culte. On trouvera une autre circonstance pour ça. Et merci à Karen d'avoir écouté ce disque sous la douche. Parce que forcément, qui dit écouter de la musique sous la douche, dit chanter en même temps. Donc chanter Metal Machine Music sous la douche, c'est tout simplement beau. Bravo à elle, bravo à tous.